La conclusion s'est faite en quelques coups de téléphone, mais le rêve s'est construit au fur et à mesure des années. Puisque mon premier featuring, j'en rêvais déjà pas né. Enfin prêt, alors c'est gagné. En 8 mesures, l'instru claque, c'est nos quatre qui débarquent avec Mister K pour casser la baraque. ATK, c'était dans le poste quand j'étais petit. Maintenant appuie sur Start pour comprendre ce que j'écris. Comment tu me décrirais? Comment je l'écrirais? Tu sais, c'est super technique. Comme il me disait, j'ai juste ressenti ce qu'il retranscrit par la main et pense avec le cœur. C'est à quel point commun qu'il avait avec son dreamer. Comme d'habitude, je me prépare, car comme d'habitude, je réfléchis un nouveau flow, un nouvel art pour créer l'écart. Là, je l'écart, je me dois de représenter pour nouveau rencard. J'ai assimilé l'instru, j'ai réglé ma voix. C'est plaisant de taffer à 5 sur un beat fat indémissant. Parmi toute une vague, c'est vraiment intéressant. Donc on a réglé la rime, le beat, notre art laissant le temps pour poser un featuring intéressant. À quoi ça rime? Une rencontre comme on en fait très peu. J'ai pas ramené la grosse équipe, mais je t'avoue que ça me fait très peur. Aujourd'hui on se rassemble et on ne sait pas où on se dirige, mais on fait le truc ensemble histoire de régler les litiges. À quoi ça rime? Une rencontre comme on en fait très peu. J'ai pas ramené la grosse équipe, mais je t'avoue que ça me fait très peur. Aujourd'hui on se rassemble et on ne sait pas où on se dirige, mais on fait le truc ensemble histoire de régler les litiges. Peut-être composé avec quelqu'un de l'extérieur, entre une réplication venue de l'intérieur, pour donner sur la musique ce qu'il y a de meilleur. Serait-il prêt à répondre aux attentes? Le crew sera-t-il créé une bonne entente? En temps et en heure, on le saura. S'il lui est prêt, nous aussi, on le sera. La première fois depuis ATK en freestyle sur RCR, tout ce temps plus tard qu'il revoit la Freddy KS2R. Hawkins m'a dit j'kifferais qu'il vienne sur un autre trip. Et moi qui connaissais pas trop qui c'est, vu la réputation ça vaut laisser. Le scud envoyé, le beat choisi, la structure peaufinée, les lyrics écrits à coup de phone, on y est arrivé. Aujourd'hui sous nos casques on est prêt à monter sur le ring. Jette le bling bling, c'est la section et Big MC en featuring. À quoi ça rime? Une rencontre comme on en fait très peu. J'ai pas ramené la grosse équipe, mais j't'avoue que ça me fait très peur. Aujourd'hui on se rassemble et on ne sait pas où on se dirige, mais on fait le truc ensemble histoire de régler les litiges. À quoi ça rime? Une rencontre comme on en fait très peu. J'ai pas ramené la grosse équipe, mais j't'avoue que ça me fait très peur. Aujourd'hui on se rassemble et on ne sait pas où on se dirige, mais on fait le truc ensemble histoire de régler les litiges. À l'arrière comme ces gars de l'aristocratie, je profite du paysage et me refais ce monde à la manière d'un jeune de seconde zone qui bave sur l'invisible, à vouloir mettre sur pied des rêves au format incompatible. Dans un pays trop conservateur, j'ai la gueule dans les paplards. Sous moi le poids du monde, à vrai dire j'en peux plus, j'étouffe. Surtout je veux pas qu'on prenne comme la plupart. À voir trop loin, je me suis fait vieux comme on m'a dit dans une cuve. À trop tourner comme un vieux cru, j'ai pas tenu la saison creuse. Une rencontre comme on en fait très peu. J'ai pas ramené la grosse équipe, mais je t'avoue que ça me fait très peur. Je connais pas la ville et ses ruelles, surtout ceux qui m'attendent pied ferme. Mais je me suis préparé au duel comme on sort du mitard. Je veux pas que tu me prennes pour ce que je suis pas. J'ai la vie gâchée par manque de sommeil. Mais on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais pas aux côtés d'une charmante demoiselle. Au fond, comment savoir cette rencontre? À 300 km d'ici, on parle le même langage sur papier. Y'a ceux qui veulent tester, mais moi, du rap d'une ville, je peux plaire. J'arrive à bon port. Les sourires sur les visages de ceux qui m'attendent me mettent en confiance. Et je suis ravi comme on reçoit ces papiers français. Mais pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Et j'avance. Ouais, salut, Freddy K. Et toi? Ouais, c'était Rimmer, c'est Kent. À quoi ça rime? Une rencontre comme on en fait très peu. J'ai pas ramené la grosse équipe, mais j't'avoue que ça me fait très peur. Aujourd'hui on se rassemble et on ne sait pas où on se dirige, mais on fait le truc ensemble histoire de régler les litiges. À quoi ça rime? Une rencontre comme on en fait très peu. J'ai pas ramené la grosse équipe, mais j't'avoue que ça me fait très peur. Serait-il prêt à répondre à nos attentes? Le cœur serré, maintenant faut qu'on reprenne.